rationnel, il vaincra son engouement nutritionnel. Après de longues heures de masturbation cérébrale, apparaît la question qui s'avère fondamentale. Puisque c'est une histoire de temps qu'il s'agit de traiter, il doit déterminer ce qu'il préfère entre le sucré et le salé. Autosuggestion drastique jusqu'à ce qu'enfin quelque chose en ressorte. Il confronte mentalement les deux pôles de la science. Tout cela ne mène à rien, mis à part d'augmenter sa faim. La faim justifiant les moyens, il prend les choses en main. Mentalement, ses efforts ne lui permettent pas de trancher. Peut-être tout est lui conduira à décider. Alors il... We'll be right back.